إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc nous continuons dans la lecture de cet écrit grandiose du grand savant, l'imam, le mufti, le sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alayhi rahmatullah. Donc il dit rahimahullah: wa hadha min iqamati al-hujja min Allah 'azza wa jalla 'ala 'ibadihi. فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة ودعوة إلى الحق وتحذير من الباطل وتبصير للعباد بما خلقوا له من عبادة الله وطاعته جل وعلا. Donc, ce qui a été appris, mémorisé, appliqué par les compagnons, radiallahu anhum, directement ils l'ont pris du prophète, alayhi salatu wassalam, comme verset coranique et comme hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils nous ont rapporté le Coran, comme on a vu précédemment. Ils nous ont rapporté sa lecture, sa manière véritable de lire le Coran, la manière véritable de lire le Coran, la manière correcte pour le réciter comme l'a récité le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ils ont préservé ces mots ainsi que le sens des versets. Ils nous l'ont rapporté, radiallahu anhum, ajma'in, de la meilleure des manières et de la façon la plus correcte. De même qu'ils nous ont transmis, rapporté ce qu'ils ont retenu du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qu'on retrouve dans les recueils de hadith qui concernent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été rapporté de génération en génération par les personnes les plus dignes de confiance et les plus sûres et les plus véridiques. Donc la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est celle qu'on retrouve dans les textes religieux, le Coran et les hadiths, a été protégée et préservée. Donc, ceci, pourquoi ? Pour qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait descendre la preuve sur ses créatures. Et que les gens n'aient plus d'excuses de dire « on ne savait pas ». La preuve est arrivée. Une preuve d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est la cause pour laquelle Allah a fait descendre les livres et a envoyé les prophètes et les messagers. Pour que les gens n'en viennent pas à dire « on n'a pas reçu d'annonciateur ni d'avertisseur ». Personne n'est venu nous prévenir, nous avertir, nous parler de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de ses serviteurs. Donc c'est une preuve sur les serviteurs, car la transmission du savoir par les moyens, par les gens les plus dignes de confiance, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, jusqu'à ceux après eux, c'est une preuve qui est donnée aux gens pour ne plus avoir une quelconque excuse. Et c'est une clarification de la voie à entreprendre et à suivre. Et c'est un appel, une invitation vers la vérité. Et c'est un avertissement contre le faux. Et c'est une clairvoyance pour les serviteurs, pour leur rappeler la raison de leur existence, ce pourquoi ils ont été créés, qui est l'adoration d'Allah et son obéissance, Jalla wa Ala. وبهذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم. Et de là, on voit très bien, et on sait qu'ils ont, on parle toujours de qui ? Des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, qui sont, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les premiers à avoir transmis le message d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la meilleure manière et de la façon la plus sûre. Donc, ils ont un droit sur tous ceux qui viennent après eux. Un point très important à retenir. Une des raisons, c'est qu'ils ont préservé la révélation et l'ont transmise aux générations après. Donc, ils ont un droit énorme sur les générations venues après eux, qui consiste à « Ad-du'a'u lahum bir-rahmati wal-maghfirati wal-rida » d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, pour eux, en leur faveur, qu'il leur fasse miséricorde, qu'il leur donne le pardon et qu'il les agrée, soit satisfait d'eux, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un point essentiel. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous le dit dans le Coran, lorsqu'il nous parle des muhajirin et al-ansar. Et ça, c'est une des plus grandes vertus. C'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, les vante, fait leurs éloges dans le Coran, en les citant, al-muhajirin et al-ansar. Et al-muhajirin, ce sont les croyants musulmans de la Mecque qui ont émigré à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ansar, ce sont ceux qui ont prêté secours, qui ont donné leur aide et refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de la Mecque avec lui. On les appelle al-ansar, c'est tiré de la racine nasara, c'est secourir, donner de l'aide, comme les nasara qui ont donné secours et aide et qui ont été proches de Isa alayhi salam. On les appelle nasara, c'est la même racine, ansar, nasara. Et dans le Coran, Isa alayhi salam, il dit Man ansari ilallah, en parlant des apôtres et des croyants qui sont avec lui. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Donc c'est la même racine, ce sont ceux qui ont secouru, apporté de l'aide, refuge. Et ici en l'occurrence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux émigrés avec lui. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des Ansar, et qui nous dit que ce sont ceux-là qui ont gagné, qui ont eu le grand gain, qu'ils sont les véridiques. De même pour, ça c'est pour les Muhajirin, qu'ils sont les véridiques, et que pour l'Ansar, ce sont ceux qui ont réussi. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des générations qui viennent après, ceux qui viennent après eux. Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'il nous parle du partage de ce qu'on appelle Al-Fay. Al-Fay, c'est un butin de guerre, mais pour lequel il n'y a pas eu de bataille. L'ennemi s'est rendu. Donc celui-là, on l'appelle Al-Fay, contrairement à Al-Ghanima, qui est le butin après la bataille. Et les versets commencent par « Ma'afa Allahu ala rasulihi ». Ma'afa, c'est le verbe de Al-Fay. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit « Lil-fuqara il-muhajirin ». الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Donc, المهاجرين et الأنصار. Puis Allah nous dit, pour ceux qui viennent après, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Voilà ce qu'il demandait à tous ceux qui viennent après les Sahaba, c'est de faire des du'as pour ces premiers musulmans. De du'as pour ces premiers musulmans. Contrairement aux Rawafid, mais les sectes égarées des Shi'as, qui eux ont pris comme premier ennemi les Sahaba, radiallahu anhum, jusqu'à les taxer de mécréance et à les insulter, les dénigrer, les maudire. Les mépriser, wal'iyadu billah, aucun bien en ces gens, ennemis des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, mais qui sont en réalité les ennemis de l'islam. Et toucher aux compagnons, c'est vouloir toucher à la transmission, toucher au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même les khawarij, qui sont sortis à l'époque, et qui ont taxé de mécréance les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et de même leurs semblables, d'où qu'ils viennent, comme Sayyid Qutb, qui est le fruit du prêche marxiste communiste, puis du prêche des frères musulmans, et qui s'est, il a essayé à introduire cette idéologie des chiites, des rawafid, chez Ahl al-Sunnah. De s'en prendre et de s'attaquer et de taxer d'hypocrisie et d'apostasie certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien vous les entendez dire, nous sommes contre les rawafid, mais au même moment font les éloges de Sayyid Qutb. Incompréhensible. C'est quoi la raison pour laquelle vous en prenez au Rawafid, ils vont te dire, c'est parce qu'ils parlent en mal des compagnons. Mais Sayyid Qutb a fait la même chose. Au final, il en est arrivé à la même chose. Wal'iyadu billah. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens n'apprennent pas les fondements de Ahl Sunnah. Quelles sont les bases? Quels sont les fondements de base de Ahl Sunnah? Et ces questions, elles sont dans les livres de Aqidah, dans les livres de dogme et du credo des musulmans. Et c'est pour cela que ces points sont tellement importants, ce sont des points qui distinguent les gens du groupe sauvé des sectes égarées. Donc, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, alayhi rahmatullah, nous dit « Ad-du'a'u lahum bir-rahmati » والمغفرة والرضا والحرص على الاستفادة من علومهم. D'avoir de l'engouement pour apprendre et profiter de leur science, de leur savoir. رضي الله عنهم. وما جمعوه وألفوه من العلوم النافعة. Est-ce qu'ils ont réuni et laissé comme science bénéfique, فَإِنَّهُمْ سَبَقُوا إِلَى خَيْرٍ عَظِيمٍ, car ils ont été les premiers vers ce bien énorme, وَإِلَى عِلْمٍ جَمٍ, et ils étaient sur une très grande et énorme science, سَبَقُوا إِلَى الْفِقْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِلَى الْفِقْهِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ils ont été les premiers dans la compréhension du livre d'Allah, la compréhension de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa naqalu ilayna ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Et ils nous ont transmis ce qui leur est parvenu comme connaissance d'Allah, de son livre et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le savoir et voilà la véritable science. Toutes les choses innovées d'après ne font pas partie de la science. Ne font pas partie de la science. Même si cela a été compilé dans des volumes et des volumes et des volumes, ça ne fait pas partie de la science. La science, lorsque cela découle des sources authentiques, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les récits des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et l'explication, les commentaires, et les leçons bénéfiques à en tirer, qu'on a des ulama et des imams de la sunna. Ça, c'est le savoir bénéfique. Et c'est le savoir qu'il faut rechercher. Lorsque d'autres sciences sont entrées chez les musulmans, on voit bien le résultat que ça a donné. Certains ont ramené la raison. Et la raison est une créature. Allah tabarak wa ta'ala a créé. C'est un outil pour nous aider à pouvoir comprendre, à pouvoir apprendre, à discerner, et non pas en faire un objectif et en faire la balance de jugement des textes pour pouvoir accepter ou refuser. Et ça a été une des idéologies de la secte qu'on appelle Al-Mu'tazila. De notre époque, ceux qui leur ressemblent le plus là-dedans, ce sont les frères musulmans qui ont donné à la raison une place qui a dépassé les limites. Donc, ils se permettent de remettre en cause les textes religieux parce que, soi-disant, leur raison a du mal à l'accepter. Ils n'ont pas compris que le texte n'a aucun problème tant qu'il est authentique. Mais c'est leur raison qui est corrompue. Car si ils étaient restés sur la saine nature, al-fitra salima, ils auraient dit, comme on dit les premiers, sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Donc ils se mettent à remettre en cause des lois de la religion, soi-disant parce que la raison ne l'accepte pas. Et al-mu'tazila ont fait de la raison la balance de jugement. Le texte, on l'accepte, on le refuse par rapport à la raison. Je vous résume le sujet. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, il a un très grand ouvrage qui s'appelle, en plusieurs volumes, Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Que la raison saine, bonne, ne va jamais à l'encontre, à l'opposé d'un récit authentique. Le récit, dès qu'il est authentique, il n'y a aucun problème là-dedans. Le problème, il est dans la raison, tant qu'il est authentique. Et donc, le savoir bénéfique, c'est ce sur quoi étaient les premiers parmi les musulmans. Et rahim Allah, qu'Allah fasse clémence à l'imam Malik, alayhi rahmatullah, lorsqu'il a dit « La yasluhu akhiru hadhihi l'umma illa bima salaha bihi awwaluha. » Les derniers ne pourront réussir, de cette communauté, ne pourront réussir que par ce quoi ont réussi les premiers. Ils ne pourront pas trouver autre chose que ce qu'avaient les premiers. Et les premiers n'ont rien laissé pour les derniers. فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نشكرهم على علمهم العظيم وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله. Donc c'est un devoir pour nous qui nous incombe de connaître le grade, la valeur et la place qu'ont les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. On se doit de les remercier pour ce savoir énorme qu'ils nous ont légué. Et aussi ce grand travail qu'ils ont fait pour préserver le message d'Allah et éduquer et enseigner aux gens pour qu'ils comprennent la religion d'Allah. Et qu'on s'aide avec ce qu'ils ont réuni comme connaissance. Les pieux prédécesseurs, sahaba, tabi'in, ceux qui sont venus après eux, qui ont été sur le droit chemin, ceux qui nous ont légué, ceux qui nous ont laissé comme livres bénéfiques et utiles, et connaissances et sciences utiles. Hatta na'rifa bidhalika ma'ani kalam Allah wa ma'ani kalam rasulih alayhi salatu wa salam, jusqu'à qu'on puisse comprendre avec cela les paroles d'Allah ainsi que les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna min a'zami al-fa'ida ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة وفيها تفسير كتاب الله وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الوحي من الله له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة المطهرة فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Parmi les plus grands et les plus énormes bénéfices et leçons, parmi le plus grand bien qu'ils nous ont transmis et qu'ils ont accompli, les pieux prédécesseurs, c'est qu'ils ont protégé, préservé la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous l'ont transmise authentiquement comme elle a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pure et saine de tout ce qui pourrait l'entacher. Il s'y trouve dans cette sunna le commentaire, l'explication du livre d'Allah. Il s'y trouve les détails de ce qui n'a pas été détaillé dans le Coran. Parfois on a des ordres, des informations dans le Coran qui ne sont pas en détail. Mais dans la sunna, on retrouve les détails. À titre d'exemple, Allah nous ordonne d'accomplir la prière. Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala, du mérite de ceux qui accomplissent la prière. Mais les détails de la prière, les conditions de la prière, la manière de prier, les gestes et les paroles dans la prière qui sont des piliers, qui sont des obligations, qui sont des actes de recommandés, les annulatifs de la prière. Où est-ce qu'on retrouve tous ces détails? On les retrouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous ordonne d'accomplir le jeûne. Mais les détails du jeûne, les conditions du jeûne, les règles du jeûne, on les retrouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah nous ordonne de donner la zakat et les ayants droit de la zakat. Et la sunna vient nous détailler en quoi la zakat est demandée et à partir de quand la zakat elle est demandée et envers qui elle doit être distribuée. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne le pèlerinage et nous parle du pèlerinage et du mérite de ces actes d'adoration. Et la sunna, elle vient nous expliquer en détail tout ce qui concerne le pèlerinage. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons: Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et il dit alayhi salatu wassalam: لتأخذوا عني مناسككم, que vous preniez de moi les rites du pèlerinage. Il s'y trouve dans la sunna, la clarification des règles et des lois qu'on retrouve dans la deuxième législation, dans la deuxième législation, la deuxième révélation qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car wa huwa al-wahy min Allah lahu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette révélation qu'Allah a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la sunna pure du prophète alayhi salatu wa sallam. Contrairement à des sectes égarées ou des personnes égarées qui viennent à dire clairement ou le dire d'une manière cachée, indirectement, que la sunna n'est pas une révélation. Et ils mettent l'accent sur le Coran pour éloigner les gens de la sunna. Alors soit ce sont des coranistes, c'est une secte, le Coraniyoun. Ils disent soi-disant qu'ils s'attachent qu'au Coran et qu'on ne prend que le Coran. Et il n'y a rien qui nous prouve que la sunna a été préservée. Donc ils trouvent tout moyen pour éloigner les gens. Et au final, ils s'éloignent de tout l'islam. Parce qu'en disant qu'ils suivent le Coran, ils se détournent du Coran. Ce sont des menteurs. Parce qu'on ne peut pas appliquer le Coran sans avoir la sunna. Comment appliquer le Coran lorsque les versets coraniques nous demandent d'écouter et d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre ce que le prophète nous a donné? Comment on fait? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون. Comment ils font? Comment ils font lorsqu'ils lisent ces versets coraniques? Et ils disent, nous on suit le Coran. Des menteurs qui ont ramené une compréhension qui est inexistante chez les premiers musulmans. Donc, c'est une des manières de détruire l'islam. Et d'autres vont minimiser la place de la sunna et mettre le doute dans la sunna et faire comprendre que là où il n'y a pas de doute, c'est le Coran. Donc ils ne le disent pas clairement comme les premiers, mais au final, on en arrive au même résultat. Wal'iyadhu billah. Le Coran est un livre sacré. Sa lecture à elle seule est un acte d'adoration. Seulement pour sa récitation, on est récompensé pour chaque lettre. Chaque lettre minimum, tu as 10 récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Chaque lettre tu as pour la récitation du Coran. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran et avec sa sunna, il explique à ses compagnons ce qui a été révélé, le véritable sens voulu dans ces versets. وأنزلنا إليك الذكرى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ça, c'est la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, de transmettre le message. Non pas que des mots, mais les mots qu'on retrouve dans les versets coraniques avec leur signification. Il leur enseigne tout cela, alayhi salatu wassalam. Et les tabi'in, lorsqu'ils ont pris le Coran des compagnons, ils l'ont pris, les mots du Coran et la signification des versets coraniques. Donc tout cela a été préservé. Tout cela a été préservé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran et son semblable avec. Et son semblable avec. Comme l'a bien dit le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes, il m'a été donné le Coran et son semblable avec. Fa'ala ahli al-ilm an yanqulu ما جاءت به السنة وأن يوضحوا ذلك للناس. Et donc, les gens de science, les savants, ceux qui ont la connaissance religieuse, ceux qui ont appris convenablement et qui ont la bonne compréhension de la religion, et dont les autres ulama attestent que ces gens-là ont atteint tel niveau et tel niveau. Ce n'est pas lui-même qui se fait les propres éloges et qu'il dit, je suis arrivé à tel stade. L'imam Malik, rahimahullah, a dit, je n'ai pas répondu, fait de fatwa à Médine, jusqu'à que 70 savants ont témoigné et attesté que j'étais apte à le faire. Tellement que les gens, ils ont le niveau, mais ils ont la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ils doutent sur leur propre personne, et ils doutent sur leur propre niveau. Contrairement aux gens qui ne craignent pas Allah Azzawajal, même lorsque les gens leur prouvent qu'ils n'ont pas le niveau, ils se forcent à croire qu'il a le niveau. Subhanallah. Et il veut à tout prix prendre cette lourde responsabilité. Des tabi'in, parmi les tabi'in, certains ont dit, j'ai rencontré plus de 130 compagnons. Chacun espérait que c'est son frère qui réponde à sa place. Une question est posée, il attend que quelqu'un d'autre y réponde. Comme ça, lui, il est soulagé. C'est pas lui qui a répondu. Lorsque Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, un homme lui pose une question. Il lui dit, je ne sais pas. L'homme lui dit, comment ça, tu ne sais pas? Il regarde son compagnon, Abdullah, radiallahu anhu, et lui dit, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils veulent se servir de notre dos comme passerelle au-dessus de l'enfer? C'est à cause de toi que j'ai fait telle chose ou j'ai dit telle chose. Tu m'as dit que j'avais le droit de le faire. Comme ça, c'est lui qui prend. Donc, mon dos, il te sert de passerelle. Au-dessus de l'enfer. Subhanallah. Donc, le danger. Et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, il est fou, celui qui répond à toutes les questions. Il a réponse à toutes les questions. Et les gens, aujourd'hui, celui qui a réponse à toutes les questions, en ne regardant même pas si c'est vrai ou pas vrai, ils disent, ah, lui, il connaît. Plus il est parleur, et plus il soi-disant, il connaît. Subhanallah. L'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'un homme a traversé les terres, des pays, pour l'atteindre, il lui a posé une quarantaine de questions. Il répond à certaines, il y a beaucoup de questions, il dit, je ne sais pas. Il lui a dit, comment je vais faire? Je vais retourner chez moi et leur dire ça? Il lui a dit, retourne et dis-leur, informe-les que je ne sais pas, la adri est la moitié de la science. C'est la moitié de la science. Nisful ilm, la adri. Un des disciples de l'imam Malik, il a dit, si on devait écrire le nombre de fois qu'on a entendu l'imam Malik dire la adri, on en aurait fait un livre. On en aurait fait un livre. Tellement qu'ils ont eu l'habitude de l'entendre dire. Et ça, c'est qu'une élévation. Il est où le problème lorsque la personne ne s'aventure pas et dit, je ne sais pas. Il s'est arrêté là où il sait, subhanallah. Il sait qu'il ne sait pas, il dit, je ne sais pas. Ce n'est pas histoire de faire plaisir au public, ou de je ne sais quoi, ou de se montrer. Tu n'as rien à prouver aux gens. Allah te connaît mieux que toi-même, que tu connais ta personne, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça ne sert à rien. Et combien se sont perdus à cause de ce genre de choses? L'amour de prendre les devants, l'amour de prendre la présidence, l'amour d'être à la au-dessus des autres, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas l'objectif de la science. La science, au final, elle t'amène à quoi? À la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-khashya min Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas. Et c'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, il a un grand ouvrage qui s'appelle I'lamu al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. L'information donnée à ceux qui signent au nom d'Allah. Les ulama, lorsqu'ils répondent, ils attestent que c'est bien la loi d'Allah et le jugement d'Allah qui dit cela. Donc ils sont en train de signer. C'est une lourde tâche. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire, ça c'est ceci ou cela. Tu es sûr? Tu es conscient? Quand tu es sûr, tu es conscient, alhamdoulillah, il n'y a pas de problème. Mais combien de gens parlent pour à la fin dire quoi? Ah mais je croyais. Non, on ne joue pas avec la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une lourde tâche. De même, lorsqu'Abou Moussa al-Ash'ari, regardez l'éducation. Et c'est pour cela l'importance d'être dans les cercles de science, d'être auprès des savants, parce que tu vas apprendre d'eux ce que tu ne retrouves pas. Parce qu'il y a cet apprentissage qui est physique, qui est sur le terrain. C'est une pratique. Et ça, celui qui est chez lui en train de lire le livre, déjà, il va comprendre à sa manière, selon son niveau de compréhension, ce qu'Allah lui a permis de comprendre. Et il va en faire une certitude et il va débattre avec les gens après. C'est un problème. Alors que le livre est une aide, ça t'aide, t'apprends des choses. Mais va vérifier que j'ai bien compris, que ça veut bien dire ça, que je ne me suis pas trompé. Faut y aller. C'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter seulement du livre. Et les autodidactes, on voit très bien les dégâts qu'ils font. Donc, je disais, un des élèves de l'imam Malik, rahimahullah, il a étudié chez l'imam Malik. Quand il a terminé, l'imam Malik, rahimahullah, lui a dit, tu peux retourner pour enseigner dans ta région. Il lui a dit, non, je veux encore rester pour apprendre de ton comportement. Seulement regarder. Et il est resté encore une année de plus pour apprendre du comportement de l'imam Malik, rahimahullah. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, parmi les grands honorables compagnons, il rentre dans la mosquée de Koufa, en Irak. Et il voit des gens faire des choses qu'il n'a jamais vues à l'époque du prophète sallam. Ils font la glorification d'Allah, ils proclament la grandeur d'Allah, les louanges à Allah, mais ils le font ensemble et en bougeant des pierres pour compter le nombre. Et au milieu du cercle, un homme qui leur donne des ordres. Dites 100 fois Subhanallah, dites 100 fois Alhamdulillah. Beaucoup de gens d'aujourd'hui qui ne comprennent pas le danger de la bid'a et que c'est leur sentiment qui parle, ils vont dire, il est où le mal? Ils ne sont pas en train de boire dans un café. Ils ne sont pas en train de fumer, ils ne sont pas en train de voler, ils ne sont pas en train de faire la fornication. Ils sont dans la mosquée en train de glorifier Allah. Il est où le problème? Pour vous, tout est interdit. N'est-ce pas? Ce sont les phrases qu'on va retrouver. Et on a des dalils comme quoi c'est bien de dire Subhanallah et Allah aime ceux qui se rappellent de lui et ceux qui font du dhikr. Bien sûr, ils vont ramener. Et ils ne comprennent pas exactement ce qui est reproché. Donc, Abu Moussa al-Ash'ari voit la scène. Et il peut les réprimander. Et il peut leur faire comprendre qu'ils sont dans le faux, dans cette façon de faire. Ce n'est pas la manière enseignée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la ville de Koufa, il y a qui? Il y a Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Comme a dit Omar Ibn al-Khattab, sur lui, il a dit, il était petit de taille, mais c'était un récipient rempli de science. Rempli de science. Lorsqu'Abdullah ibn Mas'ud, il a grimpé sur le palmier, le dattier. Et les sahabas le regardaient. Et ils se sont arrêtés sur ses mollets. Il avait des mollets très fins. Ils étaient étonnés de la finesse de ses mollets. Le prophète sallam leur a dit, vous êtes étonnés de la finesse de ces mollets? Sachez que sur la balance d'Allah, elles sont bien plus lourdes que toute la montagne de Uhud. Abdullah ibn Mas'ud. Un de ceux que le prophète sallam nous a dit de prendre le Coran, sa lecture de lui. Ibn Ummi Abd, on l'appelait. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Un savant parmi les savants des compagnons. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, c'est lui le gouverneur de Kouf à ce moment. Qu'est-ce qu'il fait, Abou Moussa al-Ash'ari? Il va aller devant la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Et il trouve des étudiants, des tabi'in, assis devant sa porte. Pourquoi ils sont assis devant sa porte? Parce qu'ils ne veulent pas sortir pour eux. Eux, ils veulent apprendre. Et lui, il a fermé la porte. Laissez-moi. Il ne veut pas. Est-ce qu'ils sont partis? Leçon à retenir. Est-ce qu'ils ont dit, bah, il ne veut pas, bah, nous aussi, on s'en va. Non. Ils montrent leur engouement, leur volonté. Ils veulent vraiment. Toi, tu veux pas, et ben on va te montrer que nous, vraiment, on veut. C'est là où on voit vraiment la personne, si elle veut réellement ou si c'est une volonté qui est passagère. C'est pas la même chose. En plus de cela, ils savent une chose, ils en sont conscients. Il sera obligé de sortir pour aller à la mosquée. Donc, pendant le trajet, on pourra lui poser des questions. On aura au moins ça, subhanallah. On aura au moins ça. Donc, il leur demande, est-ce que Abu Abdurrahman, qui est le surnom de Abdullah ibn Mas'ud, est-ce que Abu Abdurrahman, il est sorti? Ils lui ont dit non, on l'attend. Et puis, lorsqu'il est sorti, il lui a dit, oh Abu Abdurrahman, j'ai vu tout à l'heure une chose dans la mosquée qu'on n'a jamais vue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, si Allah te donne vie, tu le verras. Lui a dit, est-ce que tu l'auras réprimandé? Tu leur as fait le reproche. Il a dit, non, je préfère te laisser toi le faire. Il y a des leçons à tenir. Les ulama a dit, il ne convient pas à une personne de répondre aux questions des gens alors que dans le quartier, dans la région, il y a plus savant que lui. De laisser plus apte à le faire. C'est des leçons. C'est des leçons. Ça même, à Médine, en Arabie, on le voit. Des fois, il y a des mashayikh. Lorsque tu es proche d'eux, tu leur poses la question. Mais dans la mosquée, il y a plus savant, il te dit, va voir un tel. À un autre moment, peut-être qu'il va te répondre. Mais là, ça ne convient pas. Cheikh Abdelrazzaq, il finit son cours. Mais il sait que son père, il est sur la chaise d'à côté. Quelqu'un vient lui poser la question, il lui dit quoi? Va voir mon père. Va chez mon père. Parce qu'il se dit, là, ce n'est pas le moment où je réponds. Il y a mon père, tu vas voir mon père pour lui poser la question. Taïeb. Donc, Abdullah ibn Mas'ud va prendre son turban et il va couvrir son visage en ne laissant que ses yeux pour ne pas être connu. Et il entre dans la mosquée et il voit la scène. Et là, il découvre son visage. Et il dit, je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit vous avez dévié, ou alors vous avez trouvé un chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas trouver d'autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un chemin de déviance. Comment en êtes-vous arrivé à cela? Alors que les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas encore usés, ne sont pas encore troués. Ils sont encore là, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses ustensiles ne sont pas encore cassés. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps qu'il nous a quitté le prophète. Vous commencez déjà? Subhanallah. Le responsable de ce groupe, qu'est-ce qu'il a dit? Ô Abu Abdurrahman, nous n'avons voulu en cela que le bien. C'est ce qu'on espère des gens, qu'à la base, c'est le bien qu'ils veulent. Il ne manquerait plus que ce soit le mal. Donc, nous n'avons voulu en cela que le bien. Il a répondu, radiallahu anhu, et combien, en voulant le bien, ne l'atteignent pas? Kam min muridin lil khayri lan yusiba. Combien? En voulant le bien, ne l'atteignent pas. C'est-à-dire que la bonne intention à elle seule ne suffit pas. D'être bien intentionné, ça ne suffit pas. Et ça ne légitime pas ce que tu fais à elle seule. Abdullah leur a dit, délaissez ce que vous êtes en train de faire. Et j'espère d'Allah que vous ne perdez pas vos récompenses. Le rapporteur du récit, il dit, la plupart d'entre eux, ou tous, n'ont pas voulu écouter. On les a tous retrouvés, tous ces gens, contre les compagnons le jour de la bataille de Nahrawan. Ils étaient avec les Khawarij. Parmi les leçons qu'on retire, d'une bid'a qui peut être considérée comme petite, ça a amené à une bid'a bien plus grande. C'est un chemin. C'est un chemin entrepris. Donc combien de gens des fois ils disent, mais c'est pas très grave. Tu comprends pas. Si tu t'amuses à dire ça, demain tu vas te retrouver où? Et c'est pour cela que les péchés, les ulama disent que les péchés, quelqu'un qui persiste dedans, c'est un chemin qui mène vers la mécréance. Parce que un péché te minimise le péché qui est derrière. Qui te minimise le péché qui est derrière. Tu vois moins les choses graves. Subhanallah, jusqu'à même, à la fin, sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et comme Allah dit dans le Coran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et vous le voyez de vos propres yeux, petit, minime, alors qu'auprès d'Allah, il est énorme. Et ceci rappelle le récit de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Lorsque des disciples lui ont dit, c'est bon, on en a assez appris dans le tawhid. On a compris le tawhid. On entend ce genre de phrase, même aujourd'hui, les ikhwan, pourquoi vous persistez dans le tawhid? 5-10 minutes, c'est réglé. Oui, c'est ce qu'ils disent. Il n'y en a pas besoin. A'oudhou billah. Ne peut dire cette phrase que quelqu'un qui n'a pas connu le tawhid. Et subhanallah, plus la personne elle connaît le tawhid et plus il étudie le tawhid. Alors que si on suivait que la raison, on dirait quoi? Que c'est ceux qui sont loin du tawhid qu'on a le besoin. Non, c'est parce que celui qui a bien compris le tawhid, il sait qu'il n'est jamais à l'abri. L'imam des monothéistes, Ibrahim alayhi salam, l'intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit de suivre le chemin et la voie sur laquelle était Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes. Il demande à Allah, Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Épargne-moi, ainsi que ma descendance, d'adorer les idoles. Subhanallah. Il demande à Allah de le préserver et de le protéger contre l'adoration des idoles. Et comme a dit un des imams des tabi'in, il a dit, et qui peut se sentir à l'abri du polythéisme après Ibrahim alayhi salam? Si Ibrahim alayhi salam demande ça à Allah, mais alors nous, Subhanallah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, les meilleurs des hommes, radiallahu anhum ajma'in, après les prophètes, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Ils ont demandé, et qu'est-ce que le polythéisme mineur au messager d'Allah? Il dit l'ostentation. C'est-à-dire, comme exemple, il y en a d'autres polythéismes mineurs, mais comme exemple, l'ostentation. Si les meilleurs des hommes, prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai peur pour vous, l'ostentation, mais on a peur de quoi pour ceux venus après? Et puis vous voyez des gens venir dire quoi? C'est fini, il n'y a plus de polythéisme dans cette communauté? Mais toi qui dis cette phrase, as-tu compris qu'est-ce que le polythéisme? En vrai, c'est ça en vérité. Dès le début, il faut définir les mots. Parce que des gens emploient des mots, je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'ils disent. Tu as compris, ça veut dire quoi le shirk? C'est clair que si cette personne pour lui adorait les tombes et invoquait les morts, c'est pas du shirk. C'est normal qu'ils disent qu'il n'y a pas de shirk dans la communauté. Subhanallah. C'est normal qu'ils le disent. Puisque lui, le shirk en lui-même, il dit que c'est pas du shirk. Ils pensent, ces gens, qu'en changeant les noms, ils changent la réalité. Oh, tu peux changer le nom. Une bouteille de Coca-Cola. J'enlève l'étiquette et je mets à la place l'étiquette d'Evian. Tout le monde de ses propres yeux va voir que ce n'est pas de l'Evian qu'il y a dedans. Ce n'est pas de l'eau qu'il y a dedans. C'est la couleur du Coca-Cola. Eh bien, on veut nous faire croire, et certains vont le faire. Ah, tu m'as dit que c'est de l'évian, ben, je dis que c'est de l'évian, c'est de l'eau d'évian. Et ça, c'est une des manières de déguiser le faux. Comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, le faux, s'il était présenté aux gens comme tel, personne ne l'aurait accepté. Mais on l'habille, on le déguise, il faut qu'il soit présentable pour que les gens l'acceptent. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde contre cette forme d'agissement qui était connue chez les Juifs. Allah a dit: "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Le danger d'habiller le faux par le vrai, tout en le sachant. Yani, rusez avec Allah Azzawajal. Ne tombez pas dans les ruses comme l'ont fait les Juifs avant vous. Vous allez en arriver à autoriser les interdits d'Allah par la plus simple des ruses. La tartakibu martakabat al-Yahoud. فَتَسْتَحِلُّ مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ. Donc l'alcool, le vin, hein, on n'appelle plus ça du vin ou de l'alcool, on va l'appeler comment? Hein? Comment ils appellent? Des mashrubat rohaniya. Hein, ce sont des produits ou des boissons spirituelles, comme ils l'appellent. Subhanallah. Ils donnent en changeant de nom, comme ça on ne voit pas le mot. Et na'am, c'est pour leur esprit. Hein? Les intérêts de banque en arabe, c'est yakamo, c'est riba. Ils l'appellent comment en arabe? El fawaid. Comme ça, la personne, quand il lit le Coran, il ne voit pas le mot fawaid. Donc, il dit le Coran, c'est pas marqué. Mais c'est riba. On a seulement changé le nom. Subhanallah. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup. Ce sont des manières, des façons de faire. Et ça fonctionne avec les faibles d'esprit et les ignorants. Au lieu qu'ils retournent chez les savants, qui eux vont leur clarifier et leur prouver le vrai jugement de telle ou telle chose. Voilà ce qui incombe aux gens de science. Voilà le devoir et la mission des gens de science. Ils se doivent de transmettre et d'enseigner ce qui a été rapporté dans la sunna. Et de le clarifier aux gens. Et qu'il les guide et les dirige vers le sens et la signification des paroles de leur Seigneur et de la sunna de leur prophète, alayhi salatu wassalam, fil khutabi, wal mawa'id, wal durus, wa halaqat al ilm. Que ce soit dans les prêches du vendredi, dans les exhortations, dans les cours et dans les cercles de science, dans les cours religieux. Et tout autre moyen dans lesquels il y a l'enseignement et les directives qui sont données. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.